Hey, les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est Joe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Vous voulez venir? On rentrera ce soir. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir.